Alors, nous sommes de retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL. C'est Marie-Claude Dionne qui vous parle. Alors, le 22 avril dernier, une équipe de chercheurs internationaux ont révélé l'existence d'un récif corallien de près de 1000 km le long du fleuve Amazon au Brésil. Une découverte qui permet de rappeler que les récifs coralliens sont des milieux fragiles, fortement menacés par les activités humaines. Pour nous en parler, aujourd'hui, on reçoit Adèle Mazurek. Alors, bonjour Adèle. Bonjour Marie-Claude. Alors, des chercheurs ont récemment découvert un récif corallien dans le fleuve Amazon au Brésil. Mais en quoi c'est étonnant? Ben en fait, c'est un milieu qui n'offre pas, a priori, des conditions propices au développement des coraux. Alors, je vais un peu resituer géographiquement la découverte. Donc, l'Amazon, c'est un fleuve d'Amérique du Sud qui est de à peu près 6437 km de long. Enfin, exactement, en fait. Le fleuve prend sa source dans les Andes, traverse le Pérou, la Colombie et le Brésil, puis se jette dans l'océan Atlantique au niveau de l'équateur. Et en fait, c'est au niveau de cette embouchure que le récif corallien a été découvert. Alors, à cet endroit, l'eau y est très opaque à cause de la boue et l'eau douce du fleuve se mélange aussi à l'eau salée de l'océan Atlantique. Mais quelles sont les conditions idéales pour que des coraux se développent? Eh bien, jusqu'à maintenant, les récifs coralliens qu'on connaissait vivaient dans les zones intertropicales où l'eau salée est translucide et elle atteint des températures avoisinant les 26 degrés, en quelque sorte un paysage paradisiaque qu'on voit souvent sur les cartes postales. Ah, tout à fait. Mais c'est bien loin finalement de l'Amazone, mais d'après les chercheurs du programme de recherche qui porte sur ce récif spécifique au fleuve, la sédimentation et la lumière à cet endroit sont uniques et rendent cette zone propice à la création d'un tel écosystème. Et justement, comment se développe un récif corallien? Finalement, c'est quoi du corail? Oui, c'est une bonne question parce que c'est parfois un peu confus. Est-ce que c'est un végétal, un animal, une roche même? En réalité, ces immenses murailles de corail sont le fruit du travail de petits animaux qu'on appelle des polypes. Et ces polypes, en fait, puisent dans l'eau de l'acide carbonique et du calcium. Et avec ça, ils vont fabriquer du calcaire. Alors, les polypes vivent individuellement à l'intérieur de ce qu'on peut appeler un peu des loges, les loges de coraux. Mais la structure, elle, va s'agrandir jour après jour et former une colonie. Alors finalement, le corail serait l'équivalent d'un immeuble et on aurait les polypes qui seraient des habitants des appartements? Oui, c'est exactement ça. Et si on pousse la métaphore un peu plus loin, les polypes hébergent en quelque sorte des colocataires. Donc en réalité, c'est pas aussi simple que ça, c'est des micro-algues qui vivent à l'intérieur du tissu du polype. Et elles trouvent en fait tout ce qu'il faut sur le polype pour fabriquer des glucides pour réaliser la photosynthèse. Et ces glucides et l'oxygène aussi qui est rejeté par les micro-algues vont profiter aux polypes. Donc, c'est du donnant-donnant. Exactement. En fait, ce qu'on appelle une relation de symbiose. Chacun a tout intérêt à s'associer avec l'autre. Ils en tirent tous les deux des bénéfices. Et d'ailleurs, là, on comprend bien pourquoi l'accès à la lumière est très importante. Parce que sans la lumière, les micro-algues ne pourraient pas, en fait, effectuer la photosynthèse et les produits générés ne bénéficieraient pas, finalement, aux polypes. J'imagine donc que les chercheurs vont pouvoir étudier de près ce récif-là et en apprendre un peu plus? Ben, en effet, donc, au tout départ, l'étude, c'est en cartographiant les fonds marins à l'aide d'ondes sonores que les chercheurs ont localisé le récif parce que c'est vraiment difficile, c'est même impossible de plonger dans cet endroit-là parce que c'est vraiment de la boue. Donc, il fallait d'abord voir grâce aux ondes où ça se situait. Puis ensuite, ils ont plongé ils ramenaient de leur expédition en fait de nombreuses espèces de poissons, d'éponges, d'algues et bien sûr évidemment du corail. Ils ont également remarqué que au sud les eaux laissent davantage passer le soleil, ce qui n'est pas vraiment le cas au nord. Et donc ils pensent que les micro-organismes qui vivent sous cette boue en fait seraient une des ressources nutritives des espèces coralliennes. Donc c'est pour ça que finalement ça se développe même s'il y a peu de lumière. Évidemment il faudrait d'autres expéditions pour en connaître plus, mais malheureusement il y a des freins à ça. En fait à peine découvert le récif est menacée par l'industrie pétrolière. Et c'est une activité en pleine croissance au Brésil, donc je pense que les discussions vont être longues pour négocier ça. Ah oui, tout à fait. Et les récifs coralliens sont en plus soumis à bien d'autres menaces. On le sait d'ailleurs avec le grand récif en Australie. Mmh. On entend beaucoup parler en ce moment du blanchissement des coraux. Mais en quoi ce phénomène est-il dû? Ben, comme tu le disais, en fait, c'est des menaces, mais ces menaces sont principalement dues à nos activités, à nous. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'urbanisation du littoral qui favorise les rejets domestiques et industriels. Donc, ensuite, ça va avoir un impact sur les coraux, mais aussi, évidemment, sur les espèces qui vivent dans les coraux. Et également, à cause de la déforestation, l'eau de pluie va transporter les particules argileuses du sol vers la mer, vers les océans, donc qui vont se retrouver ensuite dans l'eau et qui vont gêner les polypes et les coraux. Et bien évidemment, le réchauffement climatique dont on parle énormément, qui augmente la température moyenne de l'eau des océans et qui ont un impact fort aussi sur ce développement-là. Alors ces perturbations, qu'est-ce qu'elles provoquent? Elles rompent la symbiose entre les coraux et les micro-algues, donc qui étaient essentielles, on a vu, à leur développement. Et comme ce sont les micro-algues qui donnent les couleurs flamboyantes qu'on connaît des coraux, là c'est bleu, c'est vert, etc., en fait ils vont perdre leur couleur et ils vont devenir blancs, et c'est pour ça qu'on parle de blanchissement des coraux. Et quelles sont les conséquences sur les coraux? Malheureusement, la plupart du temps, ils meurent. Le problème, c'est que ces récifs sont de véritables écosystèmes, comme je disais tout à l'heure. Les poissons, les oursins, les étoiles de mer, les crustacés, mais même encore les mollusques, ils trouvent à la fois un refuge, mais aussi un nourriture. C'est vraiment un véritable garde-manger pour eux. Et aussi, ce phénomène nous touche, nous, puisqu'on estime que les récifs coralliens sont une source de subsistance pour 500 millions de personnes dans le monde, par la pêche, par tout ça. OK. Et où on est actuellement? C'est quoi l'état de la situation? D'après ce que j'ai pu lire, plutôt alarmante. Mais en fait, de récentes études évaluent que 93% de la grande barrière de corail en Australie, donc c'est le plus grand récif corallien au monde, serait affecté par ce phénomène. Et puis ce phénomène aussi commence tout juste à d'autres endroits comme aux Seychelles. Et puis par exemple, je trouvais d'autres chiffres, en Polynésie française, serait plus de 90% de certaines colonies qui seraient déjà touchées par le blanchissement. Oh, c'est assez triste comme phénomène. Quand même. Est-ce que c'est un phénomène qui est définitif? Est-ce qu'on peut prendre des mesures pour peut-être limiter les dégâts? Heureusement, à certains endroits, c'est pas définitif, parce que ce blanchissement de coraux est dû à une augmentation qui est de la température de l'eau, mais qui est temporaire. Donc, une fois que la température en fait va rediminuer, normalement le phénomène ne devrait pas durer, soit parce que les coraux n'ont pas encore eu le temps de mourir, donc ils vont se régénérer, ou parce que les structures vont rester, les squelettes calcaires vont rester, puis vont être recolonisés, par des larves. Donc ça, c'est quand même un avantage, un point quand même vraiment positif. Mais par contre, en ce qui concerne l'Australie, les plus pessimistes imaginent qu'à ce rythme-là, la grande barrière de corail aura disparu d'ici 20 ans. C'est assez rapide. C'est assez rapide, oui. Alors, c'est sûr qu'on parle beaucoup de blanchissement de corail en ce moment dans les médias, mais c'est un phénomène connu déjà depuis plusieurs années. Donc on a eu le temps quand même d'y réfléchir et de développer des méthodes, des initiatives. Donc il y a notamment un organisme qui s'appelle l'Initiative internationale pour les récifs coralliens, l'ICRI, qui publie régulièrement des rapports sur l'état des récifs, donc c'est comme ça qu'on sait aussi l'avancement du blanchissement des coraux, mais aussi sur les mesures à prendre pour éviter ce phénomène. Alors évidemment, il y a les aires marines protégées, mais il y a aussi plusieurs méthodes pour protéger les récifs. Alors on peut déjà contrôler les déversements provenant des navires, puisque c'est cette pollution-là qui va affecter les coraux. Limiter les ancrages aussi dans les zones sensibles, parce que ça va les abîmer. Améliorer le traitement des eaux usées et la gestion des bassins versants, de manière à réduire l'érosion et les rejets de matières évidemment organiques agricoles qui ont un énorme impact. Alors évidemment, comme ce soir, les efforts de communication et d'éducation sont très importants, donc par la radio, par les médias, mais également pour faire connaître ces risques à la population, mais surtout aux utilisateurs de ces ressources, qui des fois sont les premiers en fait à abîmer leur lieu de travail, je dirais, parce qu'ils ne connaissent pas en fait les techniques qu'il faudrait qu'ils adoptent. Donc il y a vraiment une éducation à faire à ce niveau-là. Certainement. Merci beaucoup, Adèle Mazurek, pour ces explications sur un phénomène peut-être qu'on ne connaît pas assez. Oui, on est assez loin quand même des coraux à Québec. Exact. Alors, nous allons faire une courte pause musicale, après quoi Frédéric Bouchard nous parlera de la petite histoire du maître à mesurer. À tout de suite.